Attendez, c'est un événement. Le nouvel album de Papa Cisco, Dolce Vita, ça va faire fuir les petits PD et ça va faire fuir tous les faux rappeurs. Oh putain, ça s'arrose, hein.